Ça c'est pour toutes les bimbo, toutes les gogo, toutes les daspèches qui écoutent ce morceau normal. Insiste, ça, faut que t'arrêtes ça, faut que t'écoutes ça, chiboy. Tu dois tes sangs et tes fesses, tu te crois que tu ne t'en sais pas qu'un débile, tu ferais tout pour le flouze. Je trouve pas la tristesse pour ces pauvres filles qui derrière sa vie sont toujours prêtes pour une douce. Tu vends tes sangs et tes fesses, tu te crois que tu ne t'en sais pas qu'un débile, tu ferais tout pour le flouze. Je trouve pas la tristesse pour ces pauvres filles qui derrière sa vie sont toujours prêtes pour une. Faudrait qu'on prenne pour une dame mais pas pour une gonzesse. Le drame c'est que t'es dépourvu de toute noblesse. C'est madame que l'on t'appelle au royaume. Méchant, qu'ils font comme des beaux te blessent. On dirait que t'es pas galant avec les chiens sans laisse. Mais si t'es pas prévenu, avant tes plumes, t'y laisses. Que des personnes à qui t'apprends et d'autres que tu dresses. Tu trouves mon style d'avant parce qu'elle dévoile tes faiblesses. Mais quand t'es un genou, c'est pas pour la confesse. On veut tirer un coup dans l'enfant, je mets la pièce. Fais la sainte niche tout, mais dans vie, je le perce. Allez, vas-y, je bouge, j'ai pas besoin que l'on me perce. Oh, là, t'es là. Time.